20 ans déjà, 20 ans de Koh-Lanta, 20 ans de Starac, 20 ans de Love Story, 20 ans de télé-réalité. Je l'ai suivi avec passion. Loana, Jennifer, L'épreuve des poteaux, Julien Doré reprenant Lolita, même L'île de la tentation et Greg le millionnaire. Et puis, je l'ai perdu de vue, retrouvé avec Top Chef, puis reperdu de vue et vraiment décroché. Je suis ce qu'on appelle une enfant de la télé. J'ai donc été en toute logique une adolescente de la télé-réalité. Sans me demander vraiment ce que j'avais sous les yeux et passant à l'époque à côté de tous les débats qu'elle avait soulevés. Télé ou réalité, être ou paraître, spectacle ou vie, scandale ou génie. 20 ans après, se replonger dans ses débuts fait quand même un drôle d'effet et la télé-réalité ne semble jamais avoir si bien porté son nom, à la fois si bien intégrée à notre réalité et si éloignée. Cette année, 13 femmes en recherche d'amour sont venues de toute la France pour faire sa rencontre et tenter de le séduire. Toute la vie d'un homme, captée par un réseau de plus en plus dense de caméras cachées, est retransmise en direct, sans aucun montage, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, dans le monde entier. Bonjour, je m'appelle Anne, j'habite Lyon, j'aime le bonheur et en donner. Je suis juste à la recherche de l'amour et je suis sûre que je vais le trouver dans une émission de télé-réalité. Bonjour, je m'appelle Victoire, je suis fleuriste. Marc, j'espère juste que t'aimes les femmes comme moi j'aime la sienne. Chaude. Stop ! Quoi stop ? On arrête de discuter, c'est bon ! C'est bon ! Voici, pour la 30e année consécutive, le Truman Show. Ici, c'est Marc. Moi, une bague qui scintille, comme notre amour. Là, c'est toutes les ex de Marc, qui sont malheureusement décédées. Ce troupeau d'une dizaine de têtes vit en liberté dans l'île. Parmi ces 13 femmes, à qui Marc déclara-t-il sa flamme? Dans la vraie vie, un homme qui mettrait en compétition une quinzaine de femmes les unes contre les autres serait considéré comme un immonde porc dégueulasse. Mais ici, ça n'est pas la vraie vie. C'est tout pour le moment. Bonjour François Jost. Bonjour Géraldine. Vous êtes professeur émérite à la Sorbonne Nouvelle, vous êtes directeur de la revue Télévision, éditée par les éditions du CNRS. Vous avez publié une trentaine de livres sur le cinéma et les médias, parmi lesquels Le culte du banal, de Duchamp à la télé-réalité aux éditions du CNRS, Grandeur et misère de la télé-réalité aux éditions Cavalier Bleu en 2009, ou encore La méchanceté en acte à l'ère numérique, c'est aux éditions du CNRS paru en 2018. Vous me semblez donc l'invité parfait pour cette émission sur la télé-réalité. On a pu entendre là un ensemble d'extraits télé-réalité, notamment la parodie La Flamme avec Jonathan Cohen, mais finalement tout à fait à l'image du tout début de la télé-réalité, de la télé-réalité aussi dans ce qu'elle est devenue. Comment avez-vous vécu, pour votre part, l'arrivée de la télé-réalité il y a 20 ans, François Jost? Alors c'est assez curieux, j'avais fait toute une étude de la représentation des Français à la télévision depuis les années 50. Et donc, finalement, quand est arrivé Love Story, ça a été une sorte de suite logique pour moi. Je m'étais arrêté, si vous voulez, aux émissions de studio qui avaient eu lieu dans les années 80-90, comme Psycho ou Labour en danger, qui mettaient en scène l'intimité des gens, et parfois de façon extrêmement forte. La télé-réalité est devenue un passage pour moi du studio à, en gros, une vraie vie représentée, comme si on était passé d'une réalité in vitro à une réalité in vivo. C'était donc une suite logique pour moi. Et vous avez aimé voir ce genre de programme? Est-ce que vous l'avez suivi? Est-ce que vous avez été à la fois happé par ces nouveaux programmes, séduit, mais en même temps un petit peu tiraillé parce que, en tant qu'universitaire, c'est un objet qui pouvait prêter à scandale, par sa vulgarité, par sa transparence, par son pathos? Ah ben bien sûr, c'était difficile de travailler sur la télé-réalité parce que d'une part, moi j'ai travaillé avec le même sérieux que j'aurais pu avoir sur le cinéma, c'est-à-dire que je travaillais sur les émissions, je regardais les émissions. Quant à savoir si j'y adhérais, etc., pas vraiment. Je peux pas dire que. Donc vous regardiez vraiment ça pour le travail? Mais je regardais essentiellement ça, oui, pour le travail. Et c'est difficile parce que c'est vrai que si vous voulez, dans le cadre de l'université, travailler sur la télévision, c'est déjà une sorte de déchéance par rapport à travailler sur le cinéma, mais alors travailler sur la télé-réalité dans la télévision, c'est vraiment tomber très très très bas. Alors, je l'ai dit, François Jost, on se situe 20 ans après les débuts de Koh-Lanta, qui continue d'ailleurs, de la Starac, de Love Story. Ça s'est arrêté, ça a pris d'autres formes. 20 ans après, est-ce que la télé-réalité est toujours aussi scandaleuse ou finalement, est-ce que c'est devenu un programme à peu près normal? Non, c'est plus tout à fait scandaleux, parce que d'abord, les gens qui sont exposés sont généralement des jeunes, et les parents ne regardent plus comme avant, ça réunissait la famille, et donc ça a perdu ce côté scandaleux, mais je dirais comme toute image. Il y a eu deux événements télévisuels en 2001, il y a eu la télé-réalité, il y a eu le World Trade Center, avec les tours qui sont écroulées. Finalement, le phénomène dont on reparle le plus, c'est la télé-réalité. C'est assez bizarre, assez étonnant, mais ça s'use, c'est-à-dire que de même qu'aujourd'hui un générique d'émission télévisée va pouvoir mettre une image du World Trade Center et de s'écroulant, c'est-à-dire c'est complètement banalisé, on le regarde sans affect, etc. De même, la télérité ne fait plus scandale. Alors je vous propose, François Jost, qu'on se replonge dans les débuts de la télé-réalité, du Loft, mais peut-être aussi dans les débuts de la société du spectacle. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images. Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production existant. Il n'est pas un supplément au monde réel, sa décoration surajoutée. Il est le cœur de l'irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissement, le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante. Onze célibataires coupés du monde, dans un loft de 225 mètres carrés, filmé 24 heures sur 24 par 26 caméras et 50 micros. Au bout de 70 jours, il n'en restera plus que deux. Qui sera le couple idéal? C'est vous qui décidez. Bonsoir et bienvenue à tous pour cette grande première. Je suis extrêmement heureux d'être avec vous en direct sur M6 pour le coup d'envoi de Love Story. Vous avez très certainement entendu parler du principe de l'émission. 6 garçons, 5 filles qui ne se connaissent absolument pas vont vivre ensemble ce soir une expérience unique. Celle de vivre totalement coupé et isolé du monde extérieur pendant 70 jours dans une maison qu'on va découvrir maintenant. Rien n'échappera aux 26 caméras et 55 micros disposés un peu partout dans le loft 24 heures sur 24. Nos 11 candidats seront filmés. Eh ben, je sais pas vous, mais moi, ça me fait quelque chose de réentendre cette musique. C'était le 26 avril 2001 et cette présentation, donc ce coup d'envoi de Love Story, c'était sur M6. Vous, François Jost, vous me disiez, vous connaissez par cœur ce lancement. Ben oui, bien sûr, oui, parce que je l'ai souvent analysé avec mes étudiants. Et alors, qu'est-ce qu'il a de remarquable? Ce qui est remarquable déjà, c'est, mais on n'a pas l'image ici parce qu'il y a des choses très contradictoires quand on voit l'image, mais c'est l'accent mis sur le direct qui était un point fondamental de la télé-réalité, c'est-à-dire que tout d'un coup, dans un média qui a la réputation pour ces intellectuels de manipuler, d'être menteur, etc., on disait voilà, cette fois-ci là, on ment pas, vous n'aurez pas de montage en plus, vous allez avoir du direct 24 heures sur 24. Ce qui n'était pas vrai d'ailleurs, puisqu'il y avait un décalage de 2 minutes 45. Mais dans les extraits que vous avez rapprochés, moi je trouve que c'est très intéressant. Oui, alors d'abord c'était la voix donc de Guy Debord, voilà, qui lit son texte La Société du Spectacle, qui est paru en 1967. Ce film, par contre, date de 1973. Ce que je trouve très intéressant dans ce rapprochement, c'est que ce que montre Debord, au-delà des incompréhensions, des stupidités, qu'il y a, ah, c'est le showbiz, la Société du Spectacle, c'est évidemment pas ça. Ce qui est intéressant, c'est que Debord montre que la réalité se réduit au visible. C'est-à-dire qu'on passe, et c'est très important par rapport, si vous voulez, par exemple, à ce que fut ou ce qu'est le documentaire. Le documentaire, il essaye de rentrer dans, de comprendre de la vie des gens, de rentrer dans la vie des gens. Là, on passe dans une époque où tout est visible, simplement. C'est-à-dire les gens se donnent en spectacle et on les regarde. Et je voudrais le rapprocher aussi d'une vieille citation de cinématographique qui est celle de Fernand Léger qui en 1930 31, disait ceci. Il faudrait, disait-il, faire le scénario suivant. 24 heures d'un couple quelconque, au métier quelconque, des appareils mystérieux et nouveaux permettent de les prendre sans qu'ils le sachent, avec une inquisition visuelle aiguë pendant 24 heures, sans rien les laisser échapper. On entend bien Castaldi là-dessus. Leur travail, leur silence, leur vie d'intimité et d'amour. Projeter le film tout cru, sans contrôle aucun, je pense que ce serait une chose tellement terrible que le monde finirait en appelant au secours comme devant une catastrophe nationale. Alors ça n'a pas été une catastrophe nationale. Non, c'est dans quelle année cette... 1931. Ah oui, donc visionnaire. Visionnaire, et il y a toute une... J'avais essayé de montrer dans le culte du banal comment il y avait toute une... progression de ce fil, avec par exemple Warhol qui dit après très très clairement aussi, on devrait être espionné tout le temps, espionné et photographié. Donc vous voyez que le loft est l'aboutissement de finalement d'une logique de visibilité qui était déjà à l'œuvre depuis un certain nombre d'années. Voilà, sans à l'époque finalement les outils pour le faire. Or, faut pas oublier que Love Story intervient dans un moment aussi où il y a des webcams qui commencent à être partout. Il y a notamment une webcam qui s'appelle Jenny Cam, dans laquelle une Américaine poste tous les 20 minutes une image d'elle. Et elle, c'est elle qui choisit de se montrer. Alors parfois elle est en train à son clavier, parfois elle est nue, parfois elle est avec un compagnon, etc. Et ça, c'est avant Love Story. C'est-à-dire que il y a eu la possibilité tout d'un coup, si vous voulez, que donnait l'internet de suivre sans arrêt quelqu'un par l'image. Et puis il y a eu aussi, par exemple, on peut citer The Real World sur MTV en 92, où là il y avait des jeunes qui se retrouvaient dans une sorte de colloque qui était filmé. Il y a eu aussi des tentatives juste avant Love Story, et c'en est l'adaptation. Il y a surtout eu Big Brother en 99, oui. Donc aux Pays-Bas, qui a été quand même un succès planétaire, qui a été revendu, le concept a été revendu à plus d'une dizaine de pays dans le monde. Finalement, la télé-réalité, le loft, n'avait presque que rien de nouveau, et pourtant on l'a vécu comme quelque chose de scandaleux, à la fois dans le sens d'une rupture, comme c'était quelque chose de profondément nouveau, et en même temps aussi comme quelque chose de scandaleux parce que qui rompait avec aussi des normes télévisuelles, morales, politiques. Alors effectivement, moi je suis partisan de comprendre l'évolution, et je crois pas qu'il y ait une rupture effectivement nette. Il y a eu avant des émissions, comme je disais tout à l'heure, de ce qu'on appelait de reality show. D'ailleurs, le mot reality show désigne la télé-réalité dans beaucoup de pays dans le monde encore, où les gens venaient parler de leur intimité. La différence essentielle, c'est que j'allais dire, c'est le dispositif. C'est le fait, hein, comme je l'ai dit, les webcams. Deux, le fait qu'on peut suivre sur des chaînes câbler en direct l'émission. Et trois, chose fondamentale, c'est la naissance du téléphone, du téléphone portable. Pas smartphone, comme du téléphone portable. Et il suffit de faire un ou deux pour changer la vie des gens. Oui, alors c'est ça aussi, la télé-réalité, c'est aussi la réalité à la fois qu'on voit à l'écran, mais aussi la place laissée à la réalité du téléspectateur. C'est-à-dire, il peut intervenir, interagir dans le programme. C'est ça, et d'ailleurs, dans l'extrait que vous avez passé tout à l'heure de Castaldi sur la première émission, on a ces deux choses-là. On a, d'une part, cette fois-ci, c'est du direct, et d'autre part, vous allez pouvoir intervenir. Alors qu'il y a une promesse un peu exagérée, parce que intervenir, ça revient à simplement dire oui ou non pour la vie de cet individu. À l'époque, on a parlé dans un premier temps, on parlait d'exclure des gens. Et je m'en rappelle moi-même avoir... Pardon ? De voter contre, on disait. De voter contre et pour exclure. Et je me rappelle avoir été à l'époque interviewé, etc. Je disais, c'est honteux quand même de mettre en scène l'exclusion des gens. Donc on a parlé après de nommer et plus d'exclure des gens, etc. Mais c'était un pouvoir dont on reparlera, je pense, du spectateur, si vous voulez, qui est très important. C'est-à-dire que le spectateur, et ça précède les réseaux sociaux, mais on voit comment il y a une continuité. C'était tout d'un coup, le téléspectateur pouvait, sans motivation, sans expliquer pourquoi, dire, lui, on n'en veut plus. Et ça fait des échos avec notre situation d'aujourd'hui, hein, sur le net, sur les réseaux sociaux. Donc, effectivement, et le spectateur, on s'apercevait que parfois, il aimait bien Par exemple, séparer un couple qui était en train de se former, vous voyez. C'est-à-dire que le spectateur avait aussi, comment dire, une notion du récit. Il savait bien que pour que ça soit intéressant, il fallait créer des conflits, intervenir pour virer quelqu'un qui avait trop de place, etc. Et ce qu'on voit dans Koh-Lanta aussi, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est de s'interroger sur ce mot de télé-réalité. Peut-être qu'on peut écouter un texte de Georges Perec. Bon, écoutons-le, on en parle après. Les raz-de-marée, les éruptions volcaniques, les tours qui s'écroulent, les incendies de forêt, les tunnels qui s'effondrent, Publicis qui brûle et Aranda qui parle. Horrible, terrible. Monstrueux, scandaleux. Mais où est le scandale? Le vrai scandale? Le journal nous a-t-il dit autre chose que « Soyez rassurés, vous voyez bien que la vie existe, avec ses hauts et ses bas, vous voyez bien qu'il se passe des choses. » Les journaux parlent de tout, sauf du journalier. Les journaux m'ennuient. Ils ne m'apprennent rien. Ce qu'ils racontent ne me concerne pas, ne m'interroge pas et ne répond pas davantage aux questions que je pose ou que je voudrais poser. Ce qui se passe vraiment, ce que nous vivons, le reste, tout le reste, où est-il? Ce qui se passe chaque jour et qui revient chaque jour, le banal, le quotidien, l'évident, le commun, l'ordinaire, l'infraordinaire, le bruit de fond, l'habituel, comment en rendre compte? Comment l'interroger? Comment le décrire? Interroger l'habituel. Mais justement, nous y sommes habitués. Nous ne l'interrogeons pas, il ne nous interroge pas, il semble ne pas faire problème, nous le vivons sans y penser, comme s'il ne véhiculait ni questions ni réponses, comme s'il était porteur d'aucune information. Ce n'est même plus du conditionnement, c'est de l'anesthésie. Nous dormons notre vie d'un sommeil sans rêve. Mais où est-elle, notre vie? Où est notre corps? Où est notre espace? Comment parler de ces choses communes? Comment les traquer plutôt? Comment les débusquer, les arracher à la gangue dans laquelle elles restent engluées? Comment leur donner un sens, une langue? Qu'elles parlent enfin de ce qui est, de ce que nous sommes? France Culture. Les chemins de la philosophie. Géraldine Mosna-Savoie. Quel texte incroyable de Georges Perec, interprété par Bernard Gabé, extrait de l'infraordinaire approche de Quoi qui date de 1989. Dans ce texte, on voit bien ce qui manque à Georges Perec et qu'il reproche finalement au traitement médiatique, notamment dans l'information. Il dit « Les journaux parlent de tout sauf du journalier. Il veut de l'habituel, il veut des choses communes, il veut de la vie, du corps, de l'espace. Est-ce que la télé-réalité telle qu'elle s'est présentée a répondu à cette demande ?» Là. Oui et non. Bon, d'abord, je trouve que c'est un texte effectivement magnifique et qui est magnifiquement lu aussi, vraiment. Merci. On le dira au comédien Bernard Gabé. Alors, j'ai tendance à mettre en rapport ce texte de Perec avec aussi tout ce que la sociologie est en train de faire à la même époque. Notamment, évidemment, Michel de Certeau, qui explique dans l'invention du quotidien que les statistiques, la généralité ne nous parle pas de la réalité. Il parle de ces fleuves chiffrés de statistiques, etc., qui nous parlent de la réalité. Et il dit la réalité, ça devrait être aussi des petites choses, il dit pas infraordinaire, mais c'est assez proche. Il y a aussi, à la même époque, quelqu'un qui a commencé, évidemment, à publier bien avant, mais qui est Henri Lefebvre, avec la critique de la vie quotidienne. Toutes ces pensées convergent vers une tentative d'aller vers le vécu, justement, au-delà de simplement les statistiques et la généralité. Alors c'est intéressant parce que Perec, lui, il continue cette histoire-là dans, je trouve, un texte aussi magnifique, qui est la tentative d'épuisement d'un lieu parisien. Il se met place Saint-Sulpice et il essaye de décrire tout ce qui est original, véritablement. C'est-à-dire que, enfin, original, je veux dire, dans le sens que ça se répète pas, que c'est bon. Et il se rend compte d'ailleurs très vite qu'il est bloqué par les structures narratives, en fait, qu'il retrouve dans la réalité. Donc, bon, c'est une façon, comment dire, très verbale, de s'intéresser à la vie ordinaire. Le loft, on peut dire, c'est vrai, ça s'intéresse à des choses minimes, des petites relations avec les gens, etc. Mais en fait, très vite, c'est restructuré par le producteur. Il faut pas oublier que là-dedans, même si on nous dit que c'est en direct, il y a 2 minutes 45 de différence, et que le loft était rediffusé le soir avec des récits qui étaient restructurés par les producteurs, et qui n'avaient rien à voir avec cette quête de la petite originalité. C'est-à-dire qu'on rentrait, et dans d'autres émissions comme Koh-Lanta, dont vous avez passé des extraits, à chaque fois, on est dans des structures narratives qui sont très connues, et pas du tout dans la recherche du petit détail qui fait que c'est de l'infraordinaire. Et finalement, la télé-réalité du loft, et Koh-Lanta, c'est encore un petit peu différent, parce qu'à la limite, il y a un enjeu, hein, il y a quand même des épreuves. Finalement, la télé-réalité bute sur le même problème que Pérec dans sa tentative d'épuisement d'un lieu, c'est-à-dire qu'il y a presque une impossibilité à raconter l'infraordinaire ou l'ordinaire. C'est-à-dire que sans cesse, il échappe même à nos structures narratives. Il est presque tellement impalpable qu'on ne peut pas le raconter, parce que précisément, le raconter, ce serait déjà le mettre en récit et donc déjà le dénaturer. Oui, mais justement, il y a eu aussi là une évolution, parce que au début, effectivement, je raconte dans un livre sur la télé-réalité qu'un jour je suis à Buenos Aires, je suis dans mon hôtel, je me lève le matin et je suis en train de mettre mes chaussures, de lacer mes chaussures, et je vois dans l'écran quelqu'un qui fait à peu près exactement la même chose que moi, sauf que lui c'est la télé-réalité, c'est pas moi. Très vite, la télé-réalité était critiquée parce que précisément, on disait ces jeunes ne font rien, il y a juste des gestes du quotidien qui sont pas intéressants, etc. Et les producteurs ont réintroduit le récit. C'est-à-dire que vous disiez le Koh-Lanta, c'est un peu différent parce que il y a un but, mais en fait, si on se rappelle bien, dans le loft aussi, c'était de former un couple, et puis il y avait des épreuves, on leur faisait jouer des trucs, le set d'or du loft, le trajet. Disons qu'il fallait animer un petit voilà. peu le quotidien. Il y avait des buts, il y avait des mini-buts. Et puis, comme les producteurs étaient très critiqués parce que on disait « mais ces jeunes ne foutent rien de la journée », etc., on a été de plus en plus vers des émissions qui ont des buts. Alors, c'est soit survivre, soit trouver la femme de sa vie, c'est beaucoup, ça dans beaucoup d'émissions, soit se faire passer pour un millionnaire, bon, etc. Donc c'est faut bien se rendre compte que la télérité dont on parle, elle disparaît très vite. Aujourd'hui, il n'y a plus d'émissions directes de télérité, il y en a plus. Il y a plus de d'émissions où tout ne soit pas contrôlé par le producteur. J'avais dit à un moment, par exemple, que même Nabila, la fameuse starlette de la télé-réalité, quand elle dit quoi, une fille qui a pas de shampoing, etc., ça tient en 140 signes. C'est-à-dire que le producteur a découpé une phrase qui permet d'être renvoyé sur Twitter très facilement. Alors, ce qui est intéressant dans ce que vous dites, François Joss, c'est que le problème, en fait, ça n'est pas tant la télé qui va forcément fabriquer, monter, mettre en récit. Finalement, le problème, c'est presque la réalité. C'est-à-dire que quand on fait, qui est presque impossible à mettre en récit, la réalité échappe toujours. Et quand on fait la critique à la télé d'occulter une réalité, d'occulter la réalité, de faire des choix éditoriaux presque qui dissimulent, qui cachent, en fait, presque complotistes, finalement, on se trompe. Le problème, c'est pas la télé, c'est le problème, c'est la réalité, à savoir, elle est tellement complexe, elle est tellement diffuse, ouais. Elle est tellement large, tellement diverse, qu'on ne peut pas tout montrer à la télé. Oui, bien sûr. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis pas tout à fait d'accord avec le texte de Bourdieu que vous avez étudié dans lundi. Lundi, ouais. C'est que, bien sûr, la réalité est inaccessible, si vous voulez. Penser que la télévision rendrait compte de la réalité, c'est avoir une conception totalement transparente de la télévision qui dirait la télévision, c'est une fenêtre sur le réel. Non, c'est pas une fenêtre sur le réel. Il y a différentes fenêtres et différentes façons de regarder, surtout par la fenêtre. Et puis déjà, une fenêtre, c'est déjà un cadre. Donc déjà, ça occulte une partie, le reste de la réalité qui n'est pas visible. Absolument. Mais la réalité, si vous voulez, dans cette émission, est une... Là, c'est une vaste escroquerie, je dirais, parce que au tout début, quand Andemol a lancé ce format, puisque c'est pas un format français, vous l'avez rappelé, vous avez parlé de Big Brother qui continue dans plein de pays aujourd'hui. Quand ça a été lancé, le format s'appelait A Real Life Docu-Soap. Donc, c'était un documentaire feuilletonné de la vie quotidienne. L'intelligence des producteurs français et des diffuseurs, c'est de dire c'est télé-réalité, point. Et donc, toutes les discussions de l'époque ont été sur est-ce que c'est réel ou non, est-ce que les jeunes sont comme on les voit, etc. Alors que, évidemment, il y avait très peu de rapport avec la réalité, sauf le fait qu'on voyait des gens qui vivaient dans un espace contraint. Andy, qu'est-ce que vous essayez de faire dans vos films ? Ce qu'on veut, c'est que ce soit mauvais, mais on veut bien le faire. Du genre, on essaie d'avoir le plus d'égratignures et de saletés possibles sur la pellicule. Ou de faire de mauvais zooms. Oui, on zoome et on manque le plus important. Et on fait bouger le cadre. Histoire de ne pas oublier quand on regarde un film. Comment travaillez-vous avec vos acteurs ? Quelle sorte de directives leur donnez-vous ? Je n'aime pas donner de directives aux acteurs, en fait. Les gens sont tellement intéressants. Certains disent de vos œuvres qu'elles sont pornographiques. C'est vrai. J'aime assez. Alors, je le précise, ça n'était pas la vraie voix d'Andy Warhol, mais celle de Guy Pearce qui interprète Andy Warhol dans le film de George Hickenlooper de 2006, Factory Girl. Donc, extrait dans lequel on entend comment procède Andy Warhol lorsqu'il filme. Notamment, on peut parler de son film Sleep de 1964, qui montre pendant 6 heures un homme endormi. Et puis aussi son ouvrage Hey Novel, dans lequel il retranscrit, en fait, littéralement des sessions d'enregistrement de conversations entre amis, donc des conversations complètement plates, qui nous permet de poser la question non pas seulement du contenu de ce qu'on nous montre dans la télé-réalité, mais aussi de son esthétique. Est-ce qu'on pourrait dire que la télé-réalité, François Josse, c'est une œuvre pop, comme l'a voulu Andy Warhol ? Pour moi, c'est une œuvre pop qui réalise les rêves de Warhol. Il aurait rêvé de voir ça à la télé. Ben oui, et ça continue avec la phrase de Léger que je vous ai citée tout à l'heure. C'est-à-dire, c'est assez intéressant de voir que il a fait un film qui s'appelle Sleep, qui filme effectivement son ami pendant plusieurs années. Mais en fait, il y a une boucle en fait qui recommence. C'est encore le rêve. Et Pérec, j'ai oublié de dire tout à l'heure, effectivement, il a aussi écrit Un homme qui dort. Hein, et oui. Il y a une obsession sur le sommeil. Quelqu'un qui dort finalement et bon et dans le cas de Warhol, ce qui m'intéresse effectivement, c'est pas, on a dit beaucoup Warhol, chacun a son quart d'heure de célébrité. Non, c'est pas du tout ça qui est intéressant dans le rapport avec la télérité. Ce qui est intéressant, c'est que Warhol, vous l'avez dit, a fait un livre qui s'appelle qui consiste simplement à avoir retranscrit 72 heures, je crois, de vie à la factory. Alors évidemment, c'est un petit peu différent de la télérité parce que c'est pas Loana qu'on a, mais c'est Rauschenberg qui parle. Donc effectivement, c'est pas tout à fait la même chose. Mais le principe, moi j'en ai lu, ça fait 300 pages à peu près ce livre. J'en ai lu une partie, c'est illisible évidemment. Parce que c'est ennuyeux. Bah c'est très ennuyeux, comme si vous voulez la télé-réalité quand elle est en direct et qu'elle n'a pas été remaniée par le producteur. C'est extrêmement ennuyeux. Et ce qui est intéressant dans le propos de Warhol aussi, c'est que quand il dit « je fais le les plus mauvais mouvements possibles et surtout ne pas oublier qu'on est dans un film, dit-il. Et je crois que c'est toute la différence, si vous voulez, entre les disons les années 70 au cinéma et l'idéologie de la télérité, c'est que dans les années 70, la plupart des grands cinéastes, beaucoup de grands cinéastes, voulaient montrer qu'ils étaient dans le film, que ça soit Rob Grier d'un côté ou Godard d'un autre. Alors que aujourd'hui, on a renforcé complètement l'idéologie de la transparence. C'est-à-dire qu'on veut faire croire que filmer des gens avec, je sais pas, 25 caméras dans un espace qui était en fait un studio, c'est montrer un vrai appartement, montrer leur vraie vie, etc. Il n'y a plus d'interrogation sur le médium. Alors il y a ce double paradoxe de la télé-réalité, vous le dites bien François Joss, il y a d'un côté prétendre montrer la réalité alors qu'en fait on fabrique cette réalité, ouais. Mais aussi parce que, on l'a dit, la réalité est presque insaisissable et elle nécessite du récit, mais aussi cet autre paradoxe d'enjoindre les candidats à de l'authenticité en fait, à être eux-mêmes, à parler normalement, à se laisser aller en fait à une forme d'authenticité, alors qu'en fait, en sachant qu'on est dans un film, comme le dit Warhol, on sait qu'on a tout le temps une caméra, on sait qu'en fait on doit être visible. On n'est jamais nous-mêmes quand on est face à une caméra. C'est ça aussi tout le paradoxe de la télé-réalité. Oui, vous avez raison. D'autant plus que le slogan qui était lancé avec la télé-réalité au début, c'était effectivement dans tous les pays, c'est « soyez vous-même ». Hein, c'est ça repose sur une idéologie de l'authenticité qui évidemment est interrogeable. Et ça n'a pas continué. C'est-à-dire que là aussi, si vous voulez, le ressaisissement des émissions par les producteurs c'est produite, c'est-à-dire que très vite il y a eu par exemple une émission ensuite qui dont le nom m'échappe qui disait méfiez-vous des apparences, Secret Story. Méfiez-vous des apparences, c'est-à-dire que tout d'un coup, on a quand même dit non, ça n'est pas la réalité, mais c'est celui qui ment le mieux qui sera le vainqueur de la télé-réalité. Oui, sachant que si je me souviens bien, le principe était fondé sur le fait que les participants devaient découvrir les secrets des uns et des autres, sachant que les secrets étaient véritablement délirants. C'est ça. Il y avait 10 candidats ou plus, je me rappelle pas, qui avait un secret et il fallait trouver ses secrets, donc la prime allait à celui qui mentait le mieux, qui pour qu'on ne reconnaisse pas son secret. Donc il y a eu un bouleversement, un changement total. Ah oui, c'est marrant, c'est-à-dire que la télé-réalité fondée sur le direct, voilà. L'authenticité encourageait en fait à mentir et finalement entérinait ce qu'on soupçonnait. C'est-à-dire que oui, on est passé tout simplement de l'être au paraître, hein, soyez vous-même. Mais en le revendiquant. L'être, voilà, et en revendiquant, au contraire, maintenant, soyez acteur et enfin, faites-vous passer pour ce que vous n'êtes pas. Alors pour poursuivre le parallèle avec Andy Warhol et sa philosophie, hein, qui consiste quand même à revendiquer la non-originalité, la passion, ouais, du rien, le fait de ne pas transfigurer des objets du quotidien, du côté de la télé-réalité, si je vous suis bien, François Joss, on a dit que la réalité échapper au récit, que l'individu était inaccessible parce que le paraître prenait toute la place, et les conversations sont ennuyeuses. Donc finalement, que reste-t-il d'artistique dans le geste de la télé-réalité ? Alors, c'est-à-dire que quand on réfléchit sur l'art, et notamment l'art à la télévision, on a toujours en tête le grand art. C'est-à-dire que les études qu'on va faire, c'est essentiellement sur qu'est-ce que ça a à voir avec la peinture, etc. De ce point de vue-là, évidemment, la télé-réalité, elle n'est pas du côté de l'art. Si on considère le pop art, en revanche, les définitions du pop art, qui consistent à dire justement, on va mettre des objets du quotidien dans l'œuvre ou reproduire des choses, etc. Ça s'applique très bien à la télé-réalité, c'est-à-dire que et d'ailleurs. Certains acteurs de la télé-réalité, certaines personnes de la télé-réalité, ont dit qu'eux faisaient des performances, qu'ils y étaient parce qu'ils faisaient des performances. Par exemple, il y avait une vedette venant des séries télévisées, Mallory Nataf. Oui. oui, qui se promenait dans le studio avec un écriteau autour du cou, avec marqué l'affaire de la semaine. Et elle disait, moi je fais une performance. Donc, mais là c'était une actrice d'AB Productions, c'est ça ouais, elle jouait dans le miel et les abeilles. C'est ça, exactement. Donc elle avait fait des feuilletons avant. Donc elle disait, moi je fais des performances. Alors bon, c'est un très très peu, mais si vous voulez, si je rapproche ça de ce que disait Warhol quand il disait il faudrait simplement mettre sa caméra au coin de la rue et puis voir espionner, etc. C'est en continuité avec ça. Et de ce point de vue-là, je pense que ça peut être considéré comme du pop art. Quid du théâtre comique dans une civilisation qui a décidé de se fonder sur le respect de la différence ? Par tradition, le comique a toujours spéculé sur l'estropié, l'aveugle, le bègue, le nain, l'obèse, l'idiot, le déviant, la profession jugée infamante ou l'ethnie tenue pour inférieure. Eh bien, tout cela est devenu tabou. Aussi, la satire télévisée risque-t-elle de n'avoir plus pour objet que les autres émissions télé. Par une sorte d'accord tacite entre chaînes, chaque programme semblait n'être conçu que pour inspirer la satire de l'autre, et le seul comique autorisé devenait celui du zapping. Il fallait une solution. On la trouva. Impossible de caricaturer l'idiot du village. Ce serait antidémocratique. Soit. En revanche, il est tout à fait démocratique de lui donner la parole, de l'inviter à se présenter lui-même en direct. Le tour était joué. Il suffisait de se rappeler que, entre autres éminentes qualités, l'idiot du village est exhibitionniste, mais surtout que nombreux sont ceux qui, pour satisfaire leur propre exhibitionnisme, sont prêts à endosser le rôle d'idiot du village. Jadis, si, en pleine crise conjugale, un étranger avait étalé au grand jour leur lamentable querelle, les époux auraient intenté un procès en diffamation, au nom du bon vieux dicton qui veut qu'on lave son linge sale en famille. Mais lorsque le couple en vient à accepter, voire à solliciter la faveur de représenter en public sa sordide histoire, qui a encore le droit de parler de morale ? Et voici l'admirable inversion de paradigme à laquelle nous assistons. Exit le personnage du comique brocardant le débile inoffensif, starisation du débile en personne, tout heureux d'exhiber sa propre débilité. Tout le monde est content. Le gogol qui s'affiche, la chaîne qui fait du spectacle sans avoir à rétribuer un acteur, et nous qui pouvons à nouveau rire de la stupidité d'autrui en satisfaisant notre sadisme. Ce texte est terrible, d'un cynisme, je dois dire quand même. C'est un texte d'Umberto Eco. Comment voyager avec un saumon? Comment retrouver l'idiot du village à la télé? C'est un texte interprété par Bernard Gabet. Il est terriblement cynique, mais il touche quelque chose de vrai. D'une part, ce terme qui est employé de antidémocratique et de tout à fait démocratique de donner la parole donc à cet idiot du village. Et puis il y a donc ce terme d'idiot qui permet de poser quand même deux questions, François Jost. À la fois, est-ce que la télé-réalité, finalement, c'est le programme le plus démocratique qui soit, mais que la démocratie, en tout cas c'est le lien que fait Umberto Eco, c'est aussi accepter qu'il y ait une diversité à l'écran et peut-être aussi qu'on trouve des personnes idiotes à l'écran et que ce soit presque insupportable de voir ça. Alors, est-ce que c'est le plus démocratique ? D'une certaine façon, ça, comment, ça a été vendu comme tel. C'est-à-dire que aujourd'hui, quand on revient sur la représentation d'un certain nombre de catégories sociales à la télévision, notamment après les Gilets jaunes, on doit faire le constat absolu, qui est vrai, des scientifiques l'ont observé, que certaines catégories sociales n'intervenaient jamais à la télévision. Et que on considère que la télévision est verticale et donne des avis, etc. D'une certaine façon, la promesse de Love Story et d'autres émissions comme ça, c'était de dire, des gens ordinaires vont pouvoir parler maintenant à la télévision. Là aussi, c'était plus ou moins un mensonge, parce qu'on a cassé les gens en fonction de leur psychologie, de leur apparence, de leur capacité à s'extérioriser, etc. Mais c'est vrai que c'était vu comme... les producteurs avaient un mot assez drôle, quand on regarde, qui était « on montre les vrais gens ». hein, les vrais gens au féminin. C'est-à-dire que les vrais gens peuvent enfin s'exprimer. Bon, c'est évidemment un leurre. Mais ce qui est intéressant dans ce texte, que je trouve à la fois très précis et très drôle, c'est comment les gens... Parce que sans doute ils n'étaient pas assez à la télé, parce que ils considèrent qu'ils ne sont pas assez représentés par les politiques. Faut pas oublier que c'est ça. Hein. En 2002, n'oublions pas que les jeunes ne sont pas allés voter pour aux élections présidentielles, mais ils ont voté en masse dans le North Love Story. Hein, donc ça doit quand même... Effectivement... C'est vrai qu'il y a le côté démocratique à la fois à l'écran, mais aussi dans le fait de pouvoir voter. Et il y a un parallèle qu'on peut faire entre un vote politique, électoral, dans des élections présidentielles, ouais, et le vote télé. Bien sûr, c'était frappant de voir comme ils voulaient bien se déplacer pour voter pour tel ou tel candidat, mais pas pour voter pour un président. Parce que la différence, c'est qu'on ne se déplace pas quand on vote pour un candidat, on est sur son téléphone. Oui, c'est ça aussi. Mais je pense qu'il y a aussi quelque chose de très intéressant dans ce texte, c'est effectivement comment du coup les gens se sont précipités sous la caméra, j'allais dire, pour se montrer quoi qu'il en coûte, comme dit l'autre. Notamment, on a eu... Mais ça a commencé assez tôt, bien avant la télé-réalité. Vous avez eu Psycho, qui était une émission dans laquelle un psychanalyste était... qui était un spécialiste, un grand psychanalyste, Serge Leclerc, était censé réduire les conflits qu'il y avait dans un couple en une heure. Alors, il y avait notamment un homme qui était venu parce que sa femme le trompait, parce qu'il était éjaculateur précoce. Donc, il venait mettre sur l'agora, il venait raconter ça. Quand même assez dingue. Ce qu'on trouve dans le texte d'Écho. C'est-à-dire quand il dit, jadis, en pleine crise conjugale, un étranger avait, avait été allé au grand jour leur lamentable querelle, les époux auraient intenté un procès en diffamation. Mais là, quand on vient à accepter, c'est vrai que la différence, c'est le consentement, là. Bah oui. Et donc, il y a eu autre scandale qui a été, c'est mon choix, qui a été discuté à l'Assemblée nationale, parce que les députés ont dit ça n'est pas possible qu'on fasse des émissions comme celle-ci, etc. Mais c'est mon choix insistait sur le côté, justement, étonnant de telle ou telle personne, hein, mais la mettait en spectacle. Juste avant, il y a eu une émission qui s'appelait « Je passe à la télé ». Carrément. Et donc, juste avant la télé-réalité. Donc, tout ça pour dire que les gens étaient effectivement prêts et sont encore prêts à se montrer, même s'ils sont ridicules. John de Mol disait d'ailleurs, encore en allant plus loin, que s'il faisait un format télévisé dans lequel on disait à des gens de sauter d'un avion sans parachute, ils trouveraient des candidats. Donc, c'est ça. C'est-à-dire que peu importe pourquoi je passe à la télé, même si je suis ridicule, du moment que je passe. J'aimerais que vous fassiez écouter, François Jost, une archive en fait d'un des seuls, une seule des personnalités qui a pris la parole en faveur de la télé-réalité au moment du Loft, et il s'agit de Jean-Jacques Benex. C'est quand même pas Loft Story qui a inventé la télévision moyen pour parvenir au pouvoir. C'est tout de même pas les gens qui vont dans le Loft qui ont fait de la notoriété que l'on peut gagner en passant à la télévision un instrument d'accession au pouvoir. Pourquoi, entre guillemets, le peuple n'aurait pas le droit de rêver à la notoriété qui amène à l'argent quand ceux qui ont l'argent veulent encore plus de notoriété et se servent de la télévision pour arriver au pouvoir? Il ne faut pas s'étonner que tout un chacun puisse rêver, ils ont court-circuité le truc. Donc en réalité, il fallait s'étonner de ces choses-là un peu plus tôt. Love Story, ce n'est pas une génération spontanée, c'est quelque chose qui est la résultante, probablement, d'une évolution de notre société. Je préfère regarder ça plutôt que de dire ou de titrer, comme le fait le Nouvel Observateur, Love Story, la transparence du vide, et de dire des choses absolument effroyables sur les gens qui sont dans le loft. Des choses comme, mais extraordinairement manipulés, ces jeunes gens avec leurs pauvres rêves de gloire et de cinéma, de fortune et d'amour. Mais quel mépris pour ces petites gens, vous voyez ? Ces enfants du paradis, justement. C'était donc la voix du réalisateur Jean-Jacques Benex, le 27 mai 2001, l'invité du matin sur France Inter. Je veux dire que cette archive, elle touche deux points particulièrement intéressants. D'une part, ce qu'on a pu évoquer, François Jost, à la fois le fait de dire que la télé-réalité, le loft, ça n'est pas du tout une invention, une génération spontanée, mais au contraire, c'est vraiment la résultante d'un système qui est fondé sur la notoriété, sur le pouvoir, qui est fondé aussi sur le fait d'avoir du pouvoir en passant par des moyens de visibilité du type télévisuel. sexuelle. Et d'autre part, ce qui est intéressant, c'est la manière dont il pointe la stigmatisation de ce qu'on voit à l'écran. Et là-dessus, il touche très juste, comme on l'a entendu avec le texte d'Echo, c'est-à-dire que dès qu'on voit des gens qui ne sont pas formatés télé, on les trouve bêtes et on retrouve cette association entre des termes du genre idiot, bête, passionnel, pathos, pathétique, dès lors qu'on parle du peuple. Oui. Est-ce qu'on parle du peuple ? Je sais pas, parce que quand même on s'est aperçu très vite que ces personnages étaient assez souvent les mêmes, qu'il y avait des catégories qui revenaient quelle que soit l'émission de télé-réalité, et de là à penser qu'ils étaient représentatifs de la jeunesse, j'avais du mal à le penser. Je me rappelle avoir discuté avec la productrice, comment elle s'appelle, Angela Lorenz, quelque chose comme ça, qui me disait, moi je connais la jeunesse. Alors ça me faisait un petit peu rire, parce que effectivement un prof d'université, je crois qu'il fréquente aussi pas mal la jeunesse, et j'ai jamais rencontré les mêmes étudiants bodybuildés que ceux que je peux voir dans la télé-réalité. C'est une certaine jeunesse. Ouais, c'est quand même une certaine jeunesse, et je pense que la suite a montré que Benex était un petit peu là idéaliste dans ces personnages qui accéderaient à la notoriété, etc. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que ça s'est complètement figé, c'est-à-dire que aujourd'hui, depuis ce fameux arrêt sur la télé-réalité qui considère que la télé-réalité est un travail, c'est-à-dire que les gens qui sont dedans travaillent, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de vivre simplement, mais de travailler. D'ailleurs, parfois, ils reprennent telle ou telle réplique avec plusieurs prises. Ces gens-là sont admettent maintenant que de toute façon, ils jouent le personnage. Et dans la nouvelle télé-réalité qu'on connaît aujourd'hui, avec les princes de l'amour, les Marseillais, toutes ces choses de genre-là, ils reviennent dans des télé-réalités, ils passent de télé-réalité en télé-réalité. Ils n'ont pas d'autre travail que celui-ci, qui rapporte sûrement plus que beaucoup d'autres, et ils jouent des rôles. Donc on est très très loin de ce rêve démocratique que formulait Benex. Mais là où il touche quand même juste, c'est aussi sur cette idée que ce sont des cibles faciles. Et là, on en vient à un thème qui vous intéresse particulièrement, François Jost, qui est la méchanceté. Oui. C'est-à-dire que dès lors qu'on apparaît à l'écran, on devient effectivement une figure, on est exposé et on prend le risque d'être maltraité. Ce qui est intéressant avec la télé-réalité, c'est qu'on voulait voir des vrais gens. Il y avait une dimension peut-être démocratique au départ, de voir d'autres gens aussi. Et puis finalement, pour voir d'autres vies, pour voir de l'ordinaire, peut-être pour avoir de la compassion, pour comprendre dans une visée un peu documentaire. Et finalement, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Il y a eu un côté spectacle cruel, plutôt. Oui, d'ailleurs, c'est le mot qu'utilisait Echo dans ce texte. À la fin, il termine en parlant du sadisme. Moi, j'ai toujours mis en avant le sadisme du spectateur dans ses émissions, dès le début, dès 2001. Je remarquais que la plupart du temps, on me coupait les passages dans les interviews sur le sadisme, qu'on les gardait pas. C'est-à-dire comme si c'était vraiment scandaleux de dire ça. Effectivement, il y a un sadisme du spectateur. Qui résumait parfaitement bien par la phrase de Jean Kelevitch sur la méchanceté, qui dit « Le chiasme de la méchanceté, c'est ton malheur et mon bonheur ». Et c'est exactement ça qui se passe dans la télé-réalité, c'est-à-dire que on regarde des gens qui pourraient être heureux, qui pourraient être ils sont dans des appartements de rêve, au bord de la piscine, dans des lieux de rêve, etc. Et pourtant leur vie est totalement gâchés par leurs disputes, par leurs clashs, etc. Et donc on se dit, bon, finalement ma vie est pas plus mal que la leur, elle est pas si mal. Mais parce que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de la méchanceté à la fois dans la mise en récit, c'est-à-dire que entre les candidats, c'est-à-dire qu'il faut avoir du récit, donc il faut quand même qu'il y ait des événements, donc ça peut être des jeux de rôle, de l'amour, mais c'est aussi effectivement du clash, de la dispute, de l'énervement, avec toujours ces petites phrases en plus qui sont coupées, qu'on nous tease, qu'on nous rappelle dans l'épisode précédent, dans l'épisode suivant, vous verrez ça, donc il y a toujours cette phrase qui revient 5 fois, 10 fois, c'est d'ailleurs la même chose dans Top Chef. Alors, c'est pas forcément sur des disputes, c'est sur un gâteau raté. Mais effectivement, il y a ce montage-là qui donne de la dramatisation. Et puis, il y a aussi la méchanceté qui se passe entre nous, simples téléspectateurs, dans notre canapé, qui allons commenter, toujours en termes négatifs, en disant « c'est des cons, ils sont nuls, ils sont bêtes », au lieu de se dire « quand même, la pauvre, pourquoi elle vit ça ?» En témoigne d'ailleurs le Nabila aussi, qui témoigne de son expérience en disant « j'ai été caricaturée ». Alors jusqu'où il y avait aussi du consentement, d'accord, mais il y a quand même cette idée de nous, téléspectateurs, par contre, on est complètement d'accord pour être totalement cruel. Oui. Je pense que le fait que on vote, par exemple, fait que on est aujourd'hui dans une société, si vous voulez, du jugement. C'était déjà quelque chose que remarquait Michel Foucault à une époque. Aujourd'hui, tout le monde juge tout le monde, etc. Il y a une belle citation de Foucault à ce sujet-là. Et le spectateur est dans la situation, alors que décrivait Lucrèce, qui est de dire qu'il est bien d'être près dans le rivage, sur le rivage, quand tout c'est en train de s'agiter sur la mer. Et là, c'est ça, c'est-à-dire que on a une situation où on est dans notre canapé et on voit des gens qui souffrent. Dans cette situation, on voit que le spectateur prend du plaisir, effectivement. Et ce qui est terrible, c'est que, si vous voulez, c'est réduit. Vous dites, dans notre canapé, on peut trouver, faire des commentaires. Mais en fait, c'est réduit essentiellement aujourd'hui par à des phrases qui courent sur les réseaux sociaux, à des votes, etc. Et je crois que ça a préludé, en fait, à ce que sont les réseaux sociaux aujourd'hui. C'est-à-dire que, déjà, il y avait une sorte de brutalité dans le fait de dire j'aime ou j'aime pas, qu'on a retrouvé après dans les réseaux sociaux et qui se développent avec des systèmes de meute. Il y a aussi un dernier paradoxe, François Josse, à propos de cette méchanceté, c'est que finalement la méchanceté est devenue presque, est-ce qu'on peut dire qu'elle est devenue une forme de sentiment commun, fondateur d'une communauté, c'est-à-dire qu'il y a effectivement, quand vous employez le terme de meute, il y a en fait une forme, les personnages de télé-réalité sont presque des intégrateurs négatifs, c'est-à-dire qu'eux-mêmes existent en tant que cible, et nous-mêmes nous les faisons, nous fondons comme une communauté face à quelqu'un. Il y a quelque chose du bouc émissaire. Ah ben, complètement. Ça a tout à voir avec le bouc émissaire, parce qu'on voit bien, très bien, comment, d'abord, il y a toujours dans la télé-réalité un ou une, en fait plutôt une, bouc émissaire. Dans mon livre sur les méchants, j'ai montré un peu même qu'il y avait un type de femme qui pouvait être bouc émissaire. Et comme vous dites, ça permet, comme René Girard nous l'a appris, ça permet de refaire une communauté. Et donc, à travers les réseaux sociaux, se reforme une communauté autour de la haine de tel ou tel autre, de telle ou telle personne. J'aime beaucoup cette analyse aussi que faisait Jean-Luc Nancy en disant que la haine, c'était la vengeance a priori envers l'autre qui existait malgré soi. Merci beaucoup François Jost. De vous, on peut lire donc Le culte du banal, de Duchamp à la télé-réalité, grandeur et misère de la télé-réalité et la méchanceté en acte à l'ère numérique. C'est aux éditions du CNRS et aussi aux éditions du Cavalier Bleu. Et enfin, je signale la dernière parution de Télévision, numéro 12, dont vous êtes le directeur, François Jost, pour Une éthique des médias. Merci beaucoup. Merci. Bandolero shop. des gars de la Vegas, c'est comme son rôle. Ça se bouscule dans les couloirs, les poseurs, les voyeurs, tous ceux qui aiment se faire voir. Tout le monde est là, même ceux qu'on attend pas, l'appeler maître du mois. Miss cha-cha-cha, miss cha-cha-cha, miss cha-cha-cha. C'est un crève-cœur d'interrompre cette chanson, Paris Latino, interprétée par la Star Academy, un classique. Vous écoutez France Culture, il est 10h54 et c'est l'heure de retrouver la chronique tout autant classique de Frédéric Worms, le pourquoi du comment. Comment supporter la souffrance temporelle ? Il y a un problème qui a toujours opposé les philosophies du temps entre elles, c'est de savoir si le temps est dans les choses ou dans notre conscience, dans la conscience que nous prenons du temps en particulier. Et par exemple, dans la célèbre remarque de saint Augustin, c'est à l'origine même du mystère du temps. Il dit que quand nous sommes dans le temps, tout va bien, mais dès que nous y réfléchissons, nous ne savons plus ce qu'il est, le temps est un embarras, un problème ou un mystère. Et bien sûr, c'est un problème philosophique, mais ce qui est le plus saisissant ici, c'est l'apparition de l'embarras, c'est la notion de l'embarras, c'est le fait que nous souffrons de ce mystère. Et la thèse qu'on pourrait soutenir, c'est que la vraie question n'est pas celle de la réalité du temps dans les choses ou dans notre esprit, mais plutôt d'une expérience temporelle implicite, inconsciente et souvent heureuse, et d'une prise de conscience douloureuse du temps. Et peut-être même peut-on soutenir, c'est mon cas en fait, que toute prise de conscience du temps sera douloureuse et que toute douleur s'accompagne aussi d'une prise de conscience du temps, même peut-être l'embarras philosophique comme douleur minimale. Mais il y a d'autres souffrances temporelles, il y a une infinité de souffrances temporelles, par définition depuis l'urgence vitale jusqu'à la maladie chronique, en passant par l'ennui, et même si l'on veut l'apprivoiser, peut-être qu'on en souffre encore, même si on veut y voir un remède, comme dans cette chanson classique, certains diront peut-être même trop, mais que nous voudrions quand même réécouter un instant. Avec le temps, avec le temps va, tout s'en va. On oublie le visage et l'on oublie la voix, le cœur. Étrange et profonde ambiguïté de la chanson de Léo Ferré. D'un côté, il y a un remède dans le temps, un remède paisible à la perte, à l'absence, au deuil. Finalement, avec le temps, on oublie les visages et on oublie la voix que peut-être la mort nous aura arraché. Et en ce sens, le temps semble être un apaisement. Mais d'un autre côté, c'est aussi tout le contraire. C'est comme une double peine. C'est encore une douleur de plus, puisque en plus de la perte, il va venir l'oubli. Et avec le temps, c'est à la fois un apaisement partiel d'une douleur peut-être plus grande encore dont on prend conscience, avec le sentiment de l'irrémédiable ou de l'irrévocable, comme aurait dit Jean Kelevitch, mais aussi ici, quand même aussi, cette résistance à cet oubli lui-même. Il y a une indignation devant cette mémoire oublieuse qui fait que le pire de tout, c'est peut-être l'oubli de l'oubli lui-même, ce dont nous ne savons même plus qu'il a eu lieu et que nous l'avons désormais oublié, enfoui dans l'oubli total, la disparition totale des choses, cette mélancolie que nous entendons dans la chanson de Léo Ferré, malgré tout bien plus profonde peut-être qu'elle n'en a l'air. C'est un indice de plus que non pas le temps, mais la conscience du temps est une souffrance et que peut-être cette conscience mélancolique du temps doit nous reconduire à une expérience joyeuse du temps, à cette expérience des visages et des voix que nous avons eues de manière heureuse, dont le souvenir par son coefficient temporel devient pénible, mais qui, dans son contenu intemporel, ou en tout cas qui a été vécu de manière inconsciemment temporelle, ce contenu des visages et des voix, des sourires et des chansons, ce contenu-là, lui, est joyeux, même quand l'expérience temporelle nous fait souffrir. Merci beaucoup Frédéric, votre chronique est à réécouter sur le site de France Culture à la page du pourquoi du comment. Et un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Manon Delasalle qui a préparé cette émission, Jules Barbier, Carla Michel, Adèle Vendrette, Antoine Ravon, Anaïs Isbert, avec à la réalisation Laurence Malonda, et à la prise de son aujourd'hui, Maïwenn Lejehan. Bernard Gabé à la lecture des textes. Pour écouter ou réécouter cette émission sur la télé-réalité, et puis d'ailleurs toute cette série sur la télévision, de Bourdieu jusqu'à donc la télé-réalité, eh bien rendez-vous sur le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philo, ou sur l'application Radio France. Rendez-vous demain pour notre émission du vendredi sur les objets inattendus de la philosophie, et demain, nous parlerons de la maison, et ce sera avec Emmanuelle Cochat.